un ange sur la terre, chapitre 6. Encore le couvent. Dans le couvent, où nous avons déjà introduit le lecteur, nous retrouverons les jeunes filles que nous y avons laissées toutes petites, mais qui ont grandi depuis cette époque, car il s'est écoulé 4 années. Le personnel s'est augmenté d'une jeune fille de 12 ans, nommée Reine, fille de la marquise de Alocath, qui, forcée de faire un voyage à Madrid, a laissé son enfant dans le couvent où elle-même a été élevée. Faire élever ses filles au couvent, ce n'est plus d'usage aujourd'hui. Une mère qui aurait cette idée passerait pour une mère tyrannique et anticonstitutionnelle. Empêcher les jeunes filles d'aller le nez au vent, sur les promenades, faire briller leurs capotes et leurs écharpes, priver ces innocentes créatures de donner leur avis et d'émettre leur vote sur l'opéra nouveau et sur les toilettes à la mode, ce serait contraire aux droits sacrés de la jeunesse. Empêcher de petites guenons de 8 ans de se faire suivre à la promenade par de petits singes de 10, de recevoir des billets doux, écrits en moyenne sur un papier gravement timbré d'une couronne, au lieu d'un bourrelet, ce serait une flagrante réaction vers l'obscurantisme. Enseigner aux jeunes filles à coudre une chemise au lieu de broder un mouchoir, les forcer à lire de bons livres au lieu du journal des modes, leur faire garder la maison et s'occuper des soins du ménage au lieu de fatiguer 8 heures par jour un malheureux piano au grand désespoir des voisins, tout cela serait crime de lèse-élégance. À quoi bon, d'ailleurs, une semblable éducation? Ne sommes-nous pas toutes riches ou en passe de le devenir, surtout depuis que des avis dignes de foi, transmis par le télégraphe électrique, annoncent le débarquement d'un chargement complet de novios arrivant de la Californie? L'entrée de Reine au couvent n'était due qu'au départ de sa mère pour Madrid. Les autres pensionnaires appartaient en grande partie à la basse classe. Au moment où s'ouvre ce chapitre, elles étaient occupées à arroser des fleurs. Debout devant une jeune fille pâle et fluette, appuyée contre un arbre, Reine cherchait à l'entraîner en lui disant « Allons, viens courir avec moi !» Reine était cet enfant que nous avons déjà vu à bord du vapeur. L'enfant pâle était Lagrimas, dont, dès cette époque, elle s'était déclarée la protectrice. « Je suis fatiguée, » répondit Lagrimas. « Laisse-la, reine, » dirent à ce moment deux petites filles chargées d'un énorme pot de giroflées qu'elles portaient à grand-peine. « Laisse-la, si elle ne veut pas courir, ni courir, ni jouer, ni parler, ni manger, ni dormir. Rien ne lui plaît que de ne rien faire. Dis donc, Lagrimas, est-ce que vous êtes toutes aussi nonchalantes dans ton pays ?» À cette sortie hostile, la jeune fille se mit à pleurer. « Bon, la voilà qui pleure à présent. Elle est comme la fontaine de la cour. Il n'y a qu'à tourner le robinet. De quelque côté qu'on le tourne, il vient toujours de l'eau. Si notre mère de bon secours la voit pleurer, gare à nous. Jésus, ne pleure donc pas. Ah, que tu es la bien nommée, et quelle guitare mal accordée. Et moi, que vous ai-je fait pour me traiter ainsi ? Répondit l'enfant, sans cesser de pleurer. Et les autres furieuses de répéter, fontaine de larmes, vallée de larmes, mère de larmes, brouillard de larmes. Tu pleures pour nous faire gronder, commère pleurnicheuse, mais sois tranquille, et gare à ton serin, il pourra bien ne plus trouver d'eau dans son auge. À cette menace, Lagrimas se laissa tomber par terre en poussant des sanglots étouffés. Ses yeux s'ouvrirent démesurément et elle appuya ses petites mains sur sa poitrine. « Jésus nous assiste !» dirent les enfants effrayés. « La voilà maintenant qui a une de ces crises. Si la mère Bon Secours arrivait, nous ne serions pas blanches. » Et toutes deux, mettant à terre le pot de giroflée, prirent leur course et disparurent au fond du jardin. Reine avait 2 ans de plus que la Grimace. Elle était grande et bien faite et portait haut la plus charmante tête. Son front élevé, ses manières impératives indiquaient la jeune fille riche, gâtée et élevée sans entrave. Dans le regard qu'elle jeta sur sa compagne, gisant presque évanouie à terre, on eût pu remarquer l'expression d'une volonté énergique de protéger le faible contre le fort. Sans se déconcerter, sans se troubler, elle desserrait les cordons de la Grimace, ainsi qu'elle l'avait vu pratiquer, en semblables occasions, aux religieuses, lorsqu'arriva la mère de Bon Secours. « Qu'est-ce qui t'a mise dans cet état ? » demanda la bonne mère toute saisie. Les deux jeunes filles gardèrent le silence. Parmi toutes les vertus, la Grimace possédait avant tout celle de pardonner les offenses. Ou plutôt, chez cette suave créature, le pardon était inutile puisqu'elle ignorait l'offense. Quant à Reine, elle avait cette noblesse d'âme de quelqu'un qui se sent assez fort pour venger ses offenses par lui-même et rougirait de s'abaisser à la délation. La Grimace était sortie de sa crise et cherchait à rassurer la bonne mère. « Qui a mis là ce pot de giroflée ? » demanda-t-elle en voyant les fleurs que les deux complices, dans leur fuite, avaient plantées au beau milieu du chemin, sans que les fleurs eussent osé murmurer. Reine nomma les coupables, et la mère de Bon Secours les appela. Celles-ci arrivèrent, véritables images de la confusion, du remords et de la frayeur. « Où portiez-vous ce pot ? » demanda la religieuse. À cette question, qui n'avait aucun rapport avec le sujet de leur crainte, il s'opéra, comme par magie, un changement subit sur la figure et dans les manières des deux délinquantes. Aux ténèbres succéda un brillant soleil. Et elles répondirent fièrement. « Ici, près de la fontaine. » « Et pourquoi ?»« Parce qu'il nous faut apporter de l'eau de trop loin pour les arroser et que la chaleur nous fatigue. » « Ces pots de fleurs, » poursuivit la mère, « les soignez-vous pour les déposer sur l'autel de la Vierge le jour de sa fête ?»« Oui, ma mère. » « Eh bien, pour que dans ce saint jour, elles soient dans toute leur splendeur, elles ont besoin des rayons du soleil pour les réchauffer et non pas de l'ombre des arbres qui les couvriraient près de la fontaine. D'ailleurs, il ne faut jamais compter ses pas quand il s'agit de servir Dieu. Ils peuvent vous sembler perdus, mais ils ne le sont pas. Et pour preuve, écoutez cet exemple. Un ermite avait son ermitage dans une vallée, tout près d'une montagne, en haut de laquelle se trouvait un hôpital. Il survint une grande épidémie et l'hôpital se remplit tellement de malades que les mains manquaient pour les soigner. On réclama donc l'assistance de l'ermite et celui-ci s'empressa d'accourir. Tous les matins, à peine le soleil avait-il paru, que le bonhomme prenait son bâton et gravissait la montagne jusqu'à l'hôpital. Un jour, où, pendant son ascension sur cette côte élevée, la chaleur le faisait beaucoup souffrir, « Ne vaudrait-il pas mieux, se dit-il, bâtir mon ermitage en haut de la montagne ?» Il entendit alors une voix qui comptait derrière lui. « 1, 2, 3 » Il se retourna, mais il ne vit personne. « Comment n'ai-je pas pensé à cela plus tôt ? Continua-t-il à se dire à lui-même, « Que de fatigue je me serais épargné !» Et il entendit de nouveau la voix qui comptait derrière lui, mais comme la première fois, il ne vit personne. Près d'arriver en haut, il cherchait des yeux un site propre à y établir sa demeure, quand, de nouveau, il entendit la même voix qui comptait toujours. Il se retourna, épouvanté, et vit un ange qui lui dit « Je suis ton ange gardien et je compte tes pas. Vous voyez donc bien, mes enfants, poursuivit la mère de Bon Secours, que rien de ce qui se fait dans une bonne intention n'est perdu pour le ciel. La mère prit dans ses bras la pauvre jeune fille qui se débattait encore dans des tremblements nerveux et l'emporta. Écoutez ici, vous autres, dit Reine de l'air de son nom aux petites filles qui reprenaient, pour le remporter, le pot de giroflée. Et retenez bien ceci. La première, qui se permettra de taquiner la grimace ou de faire quelque chose à son canari, aura affaire à moi. Je ne vous en dis pas davantage, mais si vous ne m'obéissez pas, tenez-vous pour bien dit que de toutes les bonnes choses qu'on m'apporte de la maison, pas une miette n'approchera de vos lèvres. Maintenant, au large. Reine fit de la main un geste majestueux, et les porteuses de pots, la mine allongée par la menace d'abstinence qui venait d'être formulée, s'éloignèrent avec les malheureuses giroflées qui se balançaient comme des hommes ivres ou pris du mal de mer. L'enfant était cependant un peu mieux depuis quelque temps, disait l'abbesse à la mère Bon Secours, qui préparait un calmant pour la grimace. Mais il ne faut jamais chanter victoire en présence d'un mal qui déroute même la science des médecins. Les uns disent que c'est un asthme, d'autres une maladie de foie, d'autres y voient des symptômes d'anévrisme, d'autres enfin l'attribuent au système nerveux. « Quelle qu'elle soit, répliqua tristement la mère Bon Secours, je crois la maladie incurable. Don Agustin López del Baño, le meilleur, sinon le plus gai des médecins de Séville, le laisse bien à entendre quand, en parlant de la pauvre enfant, il disait l'autre jour « Vive la poule, encore qu'elle est la pépie !» Pendant que les bonnes religieuses dissertaient sur la maladie de Lagrimas, Reine, assise au chevet du lit de la pauvre enfant, lui disait « Mais aussi, pourquoi pleures-tu donc à propos de tout ?»« Parce que tout est si triste !»« C'est tout le contraire, moi je trouve tout gai !» répliqua Reine. « Et aussi parce que j'ai peur que mon canari ne meure de soif !» ajouta la désolée Lagrimas. « Ne crains rien, sotte !» répondit Reine. J'ai vertement chapitré ces ignobles volailles, et elles n'oseront s'attaquer dorénavant ni à toi ni à ton canari. Je t'assure qu'elles ont plus peur de moi que du cancon. Mais voyons, raisonnablement, est-ce bien un motif pour te rendre malade que la crainte de voir mourir ton canari? Oui, reine, oui, si tu savais ce que c'est que la mort, dit l'enfant d'un ton effrayé. « Ce n'est pas autre chose que le sommeil, » répondit Reine. « Oh non, c'est quelque chose de terrible, d'horrible. As-tu jamais vu un mort, toi, Reine ?»« Jésus, plus de 1000 ! Si ce sont des enfants, ils sont couverts de fleurs et ont l'air de sourire. Si on le voulait bien, j'aurais envie de les embrasser. »« Sainte Vierge !» exclama l'enfant tremblante. « Est-ce que par hasard, poursuivit l'autre, tu aurais vu un mort très laid, très laid? Non, je n'ai pas vu d'autres personnes mortes que ma mère, et ma mère n'était pas laide, au contraire, elle était bien jolie. Mais la mort l'avait tant changée. Elle me regardait de ses grands yeux ouverts, et elle ne me voyait pas. Ses lèvres étaient devenues blanches, et elle ne s'ouvrait plus pour me parler, comme si elles eussent été de marbre. Enfin, elle devint blanche comme de la cire. Te figures-tu, reine, ce qui se passait en moi quand je la vis dans cet état, moi qui l'aimais tant? Je n'osais m'approcher d'elle, et je me demandais « Pourquoi ma mère ne me parle-t-elle pas? Elle ne dort pas, cependant, puisqu'elle a les yeux ouverts. » « Est-ce que tu étais seule avec elle ?» demanda Reine. D'ordinaire, quand quelqu'un est mort, il y a du monde autour de lui, les médecins, le prêtre, les parents. Il n'y avait personne, reine, personne, sinon la négresse qui dormait. car ceci se passait en mer, à bord d'un bâtiment. Oh, je me souviens de tout. Le vent poussait des gémissements semblables aux hurlements d'un chien qui présage la mort. La mer rugissait comme si elle eût réclamé quelque chose qu'on ne voulait pas lui donner. Et le bâtiment s'agitait comme s'il eût voulu se débarrasser d'un objet qui l'embarrassait. Et ma mère allait et venait d'un côté sur l'autre dans sa couchette, tantôt semblant me tendre les bras, tantôt échapper à mes caresses. Et la mère demandait toujours quelque chose. Puis, le jour suivant, ajouta l'enfant, la respiration agitée et avec une horreur toujours croissante, le jour suivant, des hommes prirent ma mère comme un paquet, et en présence de mon père, reine, de mon père qui ne s'y opposa pas, ils la jetèrent à la mer comme un objet sans valeur. Et dans la mer, reine, dans la mer, elle a été mangée par les requins. Mère, bon secours! Mère, bon secours! Venez vite! Cria reine. Voici Lagrimas retombée dans une de ses crises.